بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في سورة الأنبياء البروفيت في المسألة الخامسة عشر بعد المئة 115 مسألة في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون Vous êtes certes ce que vous adorez vous en dehors d'Allah le combustible du feu et vous serez يعني vous allez y rentrer Al-Anbiya, verset 98. Ça ressemble un peu à la masala avec Al-Wurud qu'on a pris auparavant. فقال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عبيديها في النار. Donc ce verset démontre quoi? Que toutes les choses adorées avec leurs adorateurs vont aller au feu. Toutes choses adorées, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ainsi que ceux qui seront voués à cette adoration, entreront au feu. قال وقد أشارت آية أخرى إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار كقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا وقوله تعالى ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب Donc il dit quoi par la suite, et pourtant, d'autres versets sont venus montrer que certaines choses adorées, comme Isa, les Salem et les anges, ne sont pas parmi les gens du feu. Alors qu'ils ont été adorés en dehors d'Allah. En citant les versets qui appuient cela, comme ça parle dans le sens où il dit, ensuite il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Est-ce vous que ces gens-là adoraient? C'est-à-dire, vous les anges, est-ce que c'est vous qu'ils adoraient? Sourate Saba, verset 40. Également, ça parle dans le sens où il dit, et ceux-là, qu'ils invoquent, c'est-à-dire en dehors d'Allah, eux-mêmes recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Eux-mêmes recherchent le moyen de se rapprocher auprès de leur Seigneur. Surat al-Isra, verset Voyage Nocturne, verset 57. Donc, ce n'est pas tout ce qui est adoré en dehors d'Allah qui rentrera au feu, comme le montre le verset. قال الجواب من وجهين. Donc la réponse sous deux formes. الأول أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى لتعبيره بما أدل على غير العقل. Donc ce verset-là, il dit première réponse, ne concerne pas les anges ni Isa, car il emploie le terme, le ism mawsoul qui est ma. Au début du livre, on avait dit que ma ism mawsoul est employé pour tout ce qui n'est pas doué de raison. Alors que les malaïka ont des raisons. Et Isa alayhi salam, bibab aoula, également, a une raison. Donc là, c'est tout ce qui est adoré qui n'a pas de raison. وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في اللفظ ليتناولهم لغة. Donc Allah عز وجل a déjà cité cela par un autre verset où ce qu'il dit bien justement qu'ils ne t'ont cité cela qu'en guise de polémique. Car ils sont un peuple querelleur en réalité. Et là, en français, ça n'apparaît pas, mais en arabe, il a bien dit Ma darabuhu laka illa jadala. C'est-à-dire, cette chose-là, nous ne l'avons cité que en guise de polémique. Mais là, yani, c'est une chose qui sera un petit peu dure à traduire. Donc, cette réponse-là, en tout cas, le main employé dans le verset-là, c'est un ism mawsoul qui concerne ce qui n'a pas de. Ce n'est pas de raison à la base. Donc de là, le verset ne concerne pas Isa, ni les anges, ni même sa mère, et autres parmi les NBA qui ont été adorés en dehors d'Allah Azzawajal, malgré eux. Wathani, deuxième réponse, أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا التوهم ولهذه الحجة الباطلة بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Et que Allah, dans un autre verset, justement, a exclu Isa, ainsi que les anges, ou toute autre personne qui serait adorée malgré elle, parmi les gens pieux, justement, de rentrer dans le feu. Dans le sens où il dit que certes, ceux à qui notre belle promesse a été accordée, d'accord, ils en seront éloignés. C'est-à-dire, ils seront éloignés du feu. Donc, en réalité, ça rentre comme dans la définition du Tarout. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est un Tarout. Et les ulémas ont bien précisé tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cette adoration. Et bien évidemment, les anbiya n'agréent pas cela. et les gens pieux et droits n'agréent pas cela. Donc eux sortent du verset qui n'entreront pas au feu. Par contre, ceux qui les ont adorés, eux rentreront au feu. هذا هو الجواب عن هذه الآية والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك